ici ou dans le milieu, on discute beaucoup du progrès des connaissances, on discute beaucoup de l'élaboration des connaissances qui est toujours en rapport avec la transmission des connaissances. On parle moins des retombées du progrès des connaissances, et parmi ces retombées, il y a toute une série de retombées économiques, d'abord de retombées sociales, hein, mais de retombées économiques, et on ne peut pas considérer ça comme secondaire ou comme méprisable. J'y reviendrai, l'innovation n'est pas un gros mot. Le jour où il n'y a plus d'innovation dans les entreprises françaises, elles ferment toutes. C'est simple. Un an, à deux ans, à cinq ans, à dix ans, à vingt ans. Le problème, c'est de savoir comment on fait cette innovation. Est-ce que le secteur public, le secteur privé, etc., c'est ça qu'on va un peu voir. Donc, je peux situer justement quelques paramètres. C'est que, bon, tout va bien. Hein. Moi, j'ai l'inverse de votre problème. C'est que, bon, tout va très bien, madame la marquise, du reste on a le crédit d'impôt recherche, du reste on a des grandes sociétés qui exportent, qui... Et je vous montrais que tout est pourri et c'est la situation catastrophique. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Donc, pendant 10 ans, alors que tous les pays augmentaient très fortement leur recherche, tant leur recherche publique que leur recherche privée, la France a fait strictement du surplace. On était à 2,23% du PIB en 2002. On est à 2,25% peut-être pour cent maintenant, c'est-à-dire une catastrophe. Vous prenez toutes les courbes de l'OCDE, mais c'est des horizontales, c'est la mer plate, d'année en année, il n'y a rien qui augmente. Et ceci, ça a quelques petites conséquences. En 2002, l'Allemagne était déficitaire en commerce extérieur, et la France excédentaire. En ce moment, nous avons 70 à 80 milliards par an de déficit. L'Allemagne, 150 d'excédent. Il faut dire qu'entre-temps, notamment, il n'y a peut-être pas que ça, il n'y a sans doute pas que ça. L'Allemagne a continué à progresser, elle était au-dessus de nous, et elle a continué à progresser tant en recherche publique qu'en recherche privée, du reste. Vous entendez parler quand même du chômage, je ne fais pas un dessin, du délitement de l'appareil industriel, et en même temps que se délite l'appareil industriel dans les industries traditionnelles, tous les rapports depuis des années, c'est BFA qui a fait le premier en ce sens, où il montrait que le problème français, c'était un sous-développement total dans toutes les technologies de pointe, notamment les biotechnologies, mais pas seulement. Vous en avez d'autres secteurs. Ça n'a rien eu à foutre. On a continué exactement comme avant, alors que des pays qui étaient déficitaires, l'Allemagne qui était déficitaire, par exemple, dans ce secteur-là, elle a investi à sa manière dans les lenders et tout, mais on n'a rien à foutre de la limite. Et elle a remonté. Bon, nous, on a continué à s'engluer. Et alors, il faut dire que quand même, on a une tradition où les PME, on ne connaissait pas très bien ça, parce qu'on avait la vision de l'État gaulliste, etc., puis de l'État aussi par la gauche, de l'État par les communistes, de l'État par les socialistes. Bon, c'est une vision des PME, ça fait un peu chier. C'est bon. Mais on avait notre grand programme. Et c'est vrai, ça a été d'immenses succès. Mais regardez actuellement, le TGV n'arrive plus à le placer. Le nucléaire, Areva a perdu 2 concours face à la Corée du Sud. Et vous avez appris que le Rafale, on n'arrive plus à vendre des industries d'armement. Ça fait longtemps, moi personnellement, je vous dis qu'on va finir par toucher, y compris... Parce que pendant longtemps, on a fonctionné dans nos exportations sur ces grands programmes. Ces grands programmes, ils commencent à dépérir exactement comme les autres. Alors, avant de revenir sur un peu pour réhabiliter le concept d'innovation sans pour autant approuver la mise au service du secteur public, évidemment, je vais vous parler un peu du CIR, c'est le sujet, parce que nous dit, mais c'est magnifique, ne touchez pas mon Seigneur. Là, c'était un grand article des Échos. Voilà. Alors, le Seigneur, c'est quoi? D'abord, là, on ne joue pas au poker avec des allumettes. 6 milliards, sur la science 7, même maintenant, c'est en gros tous les jeux, le budget des EPST, c'est-à-dire le CNRS, plus l'INSERM, plus l'IRD, plus l'INRIA, plus l'ADAPT, tout ce que vous voulez, salaire compris, il va sans dire, plus la recherche universitaire hors salaire. C'est quand même pas mal. Comment a été créé ce CIR et comment il fonctionne? Initialement, c'était créé par la gauche. C'était 500 millions de francs. 500 millions de francs réservés aux PME et où on a remboursé la moitié de la croissance de leur effort de recherche d'une année sur l'autre. C'est quand même pas... Et puis il est venu qu'en 2004, on a refait une grande réforme, puis en 2006, et on est arrivé à non plus financer sur la croissance de l'effort de recherche, mais à rembourser jusqu'à un plafond de 100 millions, à rembourser 30% de la recherche effectuée par les grands groupes, par tout le monde, 30% de la recherche au-dessus, on n'était plus que 5%. Vous voyez du reste, l'absurdité totale de ce système qui fait que si vous êtes remboursé de la moitié de la croissance, vous avez intérêt à faire de la croissance quand même. Bon. Mais là, on vous rembourse 30%, vous baissez de 1% ou de 2% votre chiffre, votre crédit d'impôt, il ne va pas changer. Ça n'a aucun caractère incitatif. Et puis, deuxième truc que voit tout le monde, le plafond à 100 millions, on rembourse jusqu'à 100 millions 30% et que 5% au-dessus. Mais qu'est-ce qu'ont fait les grands groupes? Ils ne sont pas si cons. Quand ils ont atteint 100 millions, ils ont créé une filiale. Et donc, on a un système qui est totalement aberrant et d'autant plus aberrant qu'il n'est pas évalué. Moi, j'avais proposé plusieurs fois qu'on crée l'ARS. C'est-à-dire l'agence d'évaluation de la recherche des entreprises subventionnées. Non pas à notre manière, parce qu'on va voir si c'est intéressant, ça, il y a le secret industriel, mais au moins, vous avez touché du fric. Est-ce que vous avez embauché des jeunes docteurs? Est-ce que vous avez augmenté votre potentiel? Est-ce que vous avez des résultats? On peut trouver quand même des critères objectifs. Il n'y a rien de tout ça n'a été fait. Alors, par rapport à ça, j'ai donné un peu les arguments. Je vais t'envoyer juste une truc vidéo où il y a des dessins, des courbes. C'est vite vu. Quand vous voyez la courbe, par exemple, quand vous voyez que la courbe d'effort de la recherche industrielle française, les dépenses, elle est strictement horizontale, que vous savez que le crédit d'impôt de 2006 à 2008, il augmente de 4 milliards, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors vous regardez bêtement, connement, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que des pays, avant le crédit d'impôt dans les dépenses de recherche des entreprises versus le PIB, bon, on n'était pas en position 2006, on n'était pas terrible, on était 13e. En 2012, on a dépensé 4 milliards de plus, on était 15e. C'est-à-dire qu'on a été doublé par des pays qui n'ont pas de crédit d'impôt, ou on a été largué par des pays qui étaient déjà avant nous, qui n'ont pas plus de crédit d'impôt, ou des crédits d'impôt extrêmement faibles. Alors quand vous regardez... Les entreprises ont touché. Vous regardez, n'importe quelle statistique OCDE vous disent, voilà, les dépenses de recherche des entreprises en 2006 et celles en 2012. Vous regardez la différence. Vous vous rendez compte que les entreprises ont moins augmenté leur effort de recherche qu'elles n'ont touché en crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que les crédits d'impôt recherche, non seulement n'a pas eu le rôle d'incitation, on nous dit, vous lisez des trucs, Quand on met un euro, l'industrie en met trois, que dalle, on a les statistiques. Non seulement ça, mais il y a un effet substitutif. C'est-à-dire que les crédits d'État ont substitué les anciens investissements de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise a diminué ses investissements propres, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'État a simplement financé les actionnaires, de manière simple. Alors, continuez un peu à regarder qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ça. Alors, des optimisations fiscales, j'en ai parlé, mais on avait des tas de témoignages de gens disant « Mais c'est incroyable, dans ma boîte, des ingénieurs, ils touchent le crédit d'impôt recherche, on ne fait pas de recherche. » Il y avait même une période, quand on prenait nos messages, le CIR, vous ne faites pas de recherche, adressez-vous à nous, nous vous ferons tous le crédit d'impôt recherche. Tout le monde qui voulait à cette époque a vu cette truc. Et le syndicat unifié des impôts a fait tout un truc là-dessus, et en disant que ce qui se passait, c'était que les entreprises repeignaient leur employé en chercheur pour toucher plus d'impôts. Et c'est là qu'il y a eu un truc étrange. L'APEC, l'Association professionnelle des cadres, pour l'emploi des cadres, a publié un graphique entre 2000 et 2010 ou 2011, et où il classait en pourcentage le recrutement des cadres, soit cadre administratif, soit cadre recherche, soit cadre, disons, ceux qui font le boulot, quoi, comment on appelle ça ? Production. Voilà. Alors, les cadres administratifs, ça montait tout doucement, soit dit en passant, la bureaucratie n'a pas l'air que dans la fonction publique, parce qu'on voit très nettement qu'il y a une augmentation du nombre des cadres administratifs. Jusqu'en 2006. 2006, c'est la grande réforme où on prend tout, où on rembourse tout. Alors, jusqu'en 2006, le recrutement des cadres recherche, c'est 2%, 5%, 3%. 2007, 2008, elle a 25%, 28%. D'un seul coup, il y a tout. Elle fait ça, tac, tac. Et symétriquement, si j'ose dire, vous avez des cadres d'autoproduction qui s'effondrent de 20 points, tranquillement. C'est-à-dire qu'en termes clairs, on s'est foutu totalement de la gueule du monde. Moi, je vais plus loin. Je pense que toutes les statistiques que transmet le privé sont fausses. Parce que j'en ai une autre qui est que quand vous regardez les dépenses des entreprises et les dépenses du public, elles sont à peu près constantes. Disons, peu importe. Hein, sur 10 ans, elles varient peu. Et dans la même période, sachant que quand même les salaires, ça fait quand même 70% du coût de la recherche, dans la même période, vous vous rendez compte que, bon, en gros, la fonction publique a augmenté de 1% par an, mais qu'au bout de 10 ans, le privé a augmenté de 50%. Ils ont augmenté 50% sans pour autant avoir augmenté leur effort de leurs dépenses de recherche. Donc, je pense que tout est truandé dans les déclarations. Et encore une fois, ce n'est pas aller chercher la petite bête, c'est quand même 6 milliards. C'est pas... parce que bon, vous voyez, je ne sais pas combien il faut, mais avec l'ensemble de merde qu'il y a dans les universités actuellement, avec 1 milliard, à mon avis, je crois qu'on sort complètement de la zone rouge, hein, à l'aise, hein. Et on peut redéfinir les postes, on peut redégeler les postes, on peut... Alors c'est bon, il faut quand même se rappeler que dans les promesses, il y avait de François Hollande, il y avait les jeunes. Alors, j'ai continué parce que, somme toute, il y a eu quand même une chose très intéressante, il y a un rapport de la Cour des comptes. Bon, visiblement, ils avaient quand même lu les gens qui critiquaient le crédit d'impôt recherche. Ils sont allés vérifier, ils ont fait un excellent rapport, Et ce rapport a été repris par toute la presse. Il faut voir Le Monde se déchaîner, c'est rare. Même les Échos s'interrogeaient, je ne sais pas quel journal économique disait quand même, bon, c'est vrai, c'est bien le crédit d'impôt, mais 6 milliards, ça vaut le coup de savoir si ça sert à quelque chose. Bon, toute la presse, mais c'était du style, les grands groupes se goinfrent de ces hier. Par rapport aux expressions que j'utilise souvent, c'était vraiment des expressions beaucoup plus violentes. Et donc, moi je continue à regarder parce que il y a quand même un secteur où c'est pas clair, où le rapport d'accord des comptes n'est pas clair, c'est est-ce que c'est attractif pour les entreprises étrangères? Alors là, il y a eu un rapport d'un individu, une non-information, peu importe, du ministère. Alors, c'est ce que disait Pécresse, hein, c'est fantastique, on attire un monde de fous, etc. Depuis 2004, grâce au crédit d'impôt recherche. Corrigé de l'évolution, c'est pas moi qui parle, hein, ça pense à aucun intérêt. Corrigé de l'évolution des prix, les investissements à R&D des entreprises étrangères en France ont progressé de 1,2% par an au cours des années 2000 jusqu'à 2010, soit au même rythme que ceux des entreprises françaises, qui eux sont à 1,3%. Dans de nombreux pays développés, les activités de R&D des entreprises étrangères ont été nettement plus dynamiques que celles des entreprises nationales. En Allemagne, alors je rappelle, c'est 1,2% en France avec le crédit d'impôt, grâce au crédit d'impôt. L'Allemagne n'a pas de crédit d'impôt. En Allemagne, les investissements R&D d'entreprises étrangères ont cru de 4,4% par an. Aux États-Unis, 3%. Et au Royaume-Uni, 1,9%. Bon, ce n'est pas des foutes de guerre de Royaume-Uni, mais ils ont réussi quand même à faire nettement mieux que... Donc, en gros, actuellement, on est dans une situation où tous les éléments montrent que le crédit d'impôt de recherche ne sert à rien. On peut prendre n'importe quel paramètre statistique et tout. On a eu plusieurs rapports à l'Assemblée nationale, y compris donc d'Alain Claisse qui est socialiste, y compris de l'EDO, y compris qui proposait de laminer en partie, quoi, on récupérait 1 ou 2 milliards, franchement, sur le CIR, ça nous arrangerait bien quand même. Bon. Donc, il proposait ça. Ça n'a jamais été retenu. Récemment, que ce soit les Verts, le PC ou les socialistes, il y a eu plusieurs amendements à l'Assemblée nationale. Ils ont été obligés de les retirer. Et là, il y a quand même un espoir, c'est qu'il y a un seul con qui s'appelle, je ne me rappelle plus, que je ne peux pas encadrer, Berson, TPS, du reste, mais qui est assimilé, quoi, s'il s'était présenté contre, donc Bourdin, au deuxième tour, il s'est rallié, bon, peu importe, qui était un pro-CIR, et quand même, les socialistes du Sénat ont réussi à faire un truc, au moins, où ils déposent un amendement qui récupérerait 800 millions. 800 millions, ça serait quand même pas négligeable, surtout si on les récupérait, nous, quoi. Bon. Donc voilà la situation, on est devant un truc où, en gros, donc moi, à force d'avoir des entrevues syndicales, fini par connaître les gens, j'ai demandé à Alain Claisse, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Il m'a dit, écoute, tu demandes à n'importe quel socialiste qui s'occupe de la recherche, il te dira qu'il faut diminuer le crédit d'impôt recherche, et tu vois n'importe quel socialiste qui s'occupe de l'industrie, t'as un lobbying du patronat, etc., il dira qu'il faut augmenter le crédit d'impôt recherche. Donc voilà la situation. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien. C'est un truc... Il n'y a pas de logique. Non, il n'y a pas de logique. Non, il n'y a pas... Attends. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique au sens... Il n'y a pas de logique au sens où quand tu donnes des arguments, tu donnes des chiffres, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas si faciles à montrer. Ça, le CIR, on a un dossier complet qui montre absolument qu'ils ne servent à rien. Et c'est quand même étonnant qu'on n'arrive vraiment à rien. Alors maintenant, si c'est pour m'expliquer que les 6 milliards, ils ne sont pas perdus pour tout le monde, c'est comme les balles perdues, hein, je suis entièrement d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le truc qui est allé dans la poche des actionnaires. Alors maintenant, si vous avez accordé un petit peu de temps, je souffre beaucoup dans le milieu, et surtout quand sur le milieu des littéraires, des SHS, sur le fait que le concept d'innovation est absolument souvent méprisé, disons le terme. Donc l'innovation, c'est la mise sur le marché de produits nouveaux. Qu'est-ce que c'est la recherche? La recherche, qu'elle soit publique ou privée, c'est l'élaboration de résultats nouveaux. Et comme ces résultats nouveaux, c'est en quelque sorte un bien public, ça peut justifier, y compris dans le cadre de la recherche privée, ça peut justifier une aide de l'État. Je dis ça peut. Hein, c'est prudent, il faut voir les conditions. L'innovation, ce n'est pas un processus scientifique, c'est l'utilisation de résultats déjà connus pour mettre au point un produit sur le marché. C'est-à-dire, c'est un processus strictement économique, c'est un investissement, comme on peut doubler la chaîne de production, un investissement dont on pense, qui, comme tout processus économique, dont on retrouvera le fruit par les profits qu'on en tirera. Du reste, on définissait vraiment l'innovation, c'est le machin qui va vous mettre en position de monopole et vous faire pendant 2-3 ans des super profits. Donc, le problème, c'est qu'on arrive à bien distinguer les deux. Mais le fait que l'innovation soit un processus économique, il ne veut pas dire qu'il n'y ait aucune aide de l'État. Il peut y avoir, et dans la partie, disons, que je trouve positive dans ce que fait le gouvernement, je dirais beaucoup de mal après, là, c'est que c'est très marrant, parce qu'on parle de trucs qui ne servent à rien, qu'on fout à la poubelle, ou à la poubelle au profit, pour si Topalov, autrement, il ne va pas être content, si je ne précise pas, il n'aime pas les euphémismes. Donc, si vous avez le crédit d'impôt compétitivité, 20 milliards de poubelles au profit. Vous avez le crédit d'impôt recherche, j'ai dit tout le mal que j'en pensais, 6 milliards. Ça regarde tout. Et là, on parle en milliards. Par contre, en milliards sur un an, hein, par an. Hein, et donc, en dons. C'est des dons qu'on distribue. Par contre, ils ont fait un plan innovation que je trouve intéressant. Mais là, l'unité, elle n'est plus le milliard, elle est la dizaine de millions ou la centaine de millions sur 3 ou 5 ans et qui sont principalement des prêts remboursables. Donc, moi personnellement, que par rapport à une PME qui veut investir, j'ai transformé l'OSEO en banque publique d'investissement, etc., qui est des prêts remboursables en cas de succès, moi alors, ça personnellement, j'ai rien contre. Et je suis même. J'ai rien contre. Je suis très pour. Mais alors, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que. Il y a un rapport entre la recherche et l'innovation. C'est pas qu'il faille foutre la recherche à la remorque de l'innovation. Alors, ça, c'est complètement débile. Mais c'est que. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas une recherche forte et s'il n'y a pas une formation forte qui donne les gens capables de faire l'innovation. Alors, il y a quelques années, l'OCDE avait publié un rapport sur l'innovation, les critères de l'innovation. Et donc, sur le critère d'innovation, ils avaient classé 20 pays, pas rien, 20. Et moi, je me suis amusé à une chose, je fais ça pour avoir une corrélation avec investissement dans la recherche, publique ou privée, sur le PIB. Et je peux vous dire que le taux de corrélation, c'est 0,98. C'est quand même pas mal pour une corrélation. C'est-à-dire que ils n'ont pas compris une chose, c'est que sans recherche, il n'y aura pas d'innovation et qu'actuellement, on a dépouillé complètement l'enseignement supérieur à la recherche, parce qu'il faut quand même se rappeler que sous Pécresse, le CIR, il a été accumulé en baissant les crédits de normaux de l'enseignement supérieur de la recherche. Alors, par ailleurs, on nous disait, vous savez, il y a le plan machin, le plan bidule. Il y a... Bon, mais n'empêche que le crédit d'impôt, c'est un truc qui nous a été prélevé. Et c'est pour ça qu'actuellement, autant moi je suis chimiste, et chimiste, la moitié des chimistes collaborent avec le privé, mais ils n'aiment pas être plus emmerdés que les autres. Je pense qu'un des points importants, c'est effectivement qu'on continue à se battre sur le fait que ce crédit d'impôt recherche, quand on nous a fauché quand même, parce qu'ils sont nos crédits quelque part, on nous les rende, et que même si on ne nous en rendait qu'un morceau, on en aurait fini de la merde actuelle qu'il y a dans les universités. Je dis dans les universités parce que ce que vous ne mesurez pas, parce que c'est moins visible, et les organismes de recherche. Parce que quand vous diminuez dans un organisme de recherche le budget de 1%, étant donné que vous avez des engagements internationaux, vous avez des tas de choses qui sont incompressibles, le 1% initial, il peut se transformer en 5% ou en 10% quand ça arrive dans les formations. Je crois que sur les crédits au CNRS cette année, il y a 5 des secteurs du CNRS qui diminuent en crédits de 11%. Alors, maintenant, je vais boucler là-dessus, je m'arrêterai. Comment les universités, vous voyez, l'argent qui est dépensé, quand vous voyez les universités, la situation qu'ils ont du fait des postes de gelée, etc., que vous additionnez le fait que, quand même, je rappelle que 90% des équipes CNRS sont sites universitaires et que si les crédits CNRS perdent 10%, et c'est valable pour les universitaires aussi. Et que, alors là, l'ANR, s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est bien l'ANR. Mais la baisse des crédits de 60 ou 80 millions, je ne sais pas, cette année, des crédits ANR, ils n'ont pas été transvasés cette fois-ci vers les organismes. Ils sont supprimés, purement et simplement. Et qu'on le veuille ou pas, c'est des crédits qui n'iront pas dans les laboratoires. C'est-à-dire qu'on est donc dans une situation qui est absolument catastrophique sur le plan du développement économique, de la recherche industrielle. Ils ont fait un petit quelque chose, un truc, mais bon, ils n'ont pas mis beaucoup d'argent sur l'innovation, et on a une situation de la recherche publique qui ne se relève pas. Alors avec ça, le truc central, et j'espère que ça sera, disons, l'orientation des syndicats pour l'année qui vient, c'est le problème de l'emploi scientifique. Si on n'arrive pas à marquer des points là-dessus, c'est une catastrophe parce que, si vous voulez, les gens se détestent. C'est Pierre Arnoux qui avait fait ça. Il avait regardé combien on annonçait de postes au CAPES et combien de gens avaient passé l'examen. C'est-à-dire que tant que vous n'affichez pas un plan pluriannuel, l'emploi scientifique qui fasse que quelqu'un qui bosse se dise « Oui, j'ai de grandes chances d'avoir un boulot à la fin », on aura une catastrophe et les gens se détourneront des métiers d'enseignement supérieur et de recherche. Et ça, on a à la fois une situation totalement pourrie où on a, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de précaires qu'on envoie dans le mur, et en même temps, ceci est un des facteurs qui fait que les autres se détournent des métiers. Mais ça, il faut dire que quand ils se détournent des métiers, ils détournent y compris des métiers de recherche industrielle. Et ça, au point où on en est avec la pente tournée, on va avoir un sacré mal à remonter. C'est-à-dire que toutes nos batailles, à mon avis, elles doivent être placées dans le contexte, c'est pour ça que je parlais d'innovation, que notre défense de l'enseignement supérieur, de la recherche publique, elle est valable en elle-même, mais elle est surtout valable par rapport à une autre politique qu'on souhaiterait pour le pays en matière de développement économique et social notamment.